Heureux de vous retrouver pour une deuxième saison de Ça et du Belge, centrée uniquement sur les films. Au sommaire de ce numéro 17, Lucas, sorti dans les salles belges et françaises le 22 août dernier, est toujours en exploitation. C'est un film de Julien Leclerc avec le retour sur grand écran de JCVD, aka Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, je ne l'avais plus vu au cinéma depuis Expendables 2. Cela date d'un sacré bout de temps, 2012 exactement. Dans Lucas, il est dirigé par le français Julien Leclerc, réalisateur de L'Assaut, Gibraltar ou encore Les Braqueurs. Sans faire de grands films, Julien Leclerc fait preuve d'une belle maîtrise et permet aux spectateurs de se divertir. Il nous montre un JCVD vieilli qui, lui, n'hésite pas à en jouer de cette vieillesse. L'ouverture du film, c'est un plan-séquence dans lequel JCVD est suivi de dos lors de son arrivée sur son lieu de travail couvert d'une capuche. Un bon début. Dommage qu'après on comprenne trop vite les enjeux et l'intrigue est un peu trop simpliste. Ce qui permet de tenir les 82 minutes, un film court, ça nous change, c'est d'apprécier le jeu de certains acteurs, tels les Belges Sam Lowick et Kevin Janssen. Par contre, Zeva Alviti, que l'on avait vu dans Dalida, ralentit le rythme à chacune de ses apparitions. Les fans de JCVD aimeront ce film, les autres iront le voir s'ils n'ont rien d'autre à faire. À la prochaine !